vacation. In some stupid little town, a black killer killing is the accused in Halloween town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants clever words. Salut à tous et toutes, la tribu. Bienvenue dans la Vampire Freaks. C'est la 121e et c'est la spéciale collectif œuf de pierre. Et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Et oui, la tribu, c'est Spike, c'est la Vampire Freaks. Et donc, vous êtes bien dans la 21e Vampire Freaks, ouais, déjà la 121e. Et c'est la spéciale collectif de l'œuf de pierre pour le concert de Shadrach qui a eu lieu le 7 avril dernier. Merci d'être là. On commencera tout de suite avec Suicidal Mission de Bloodfist. C'est sur l'album Kill for Pleasure, sorti le 13 février 1987. On retrouve Molasting Thunder, Cannibal et The Evil. On écoutera ensuite Steel Meets Steel de Hammerfall. C'est sur l'album Steel Meets Steel, un double album 10 Years of Gold. On retrouve The Abyss, Last Man Standing et Bloodbone. C'est sorti le 23 octobre 2007. On continuera ensuite avec She Likes Airbends de Butch Walker. C'est sur l'album I Like It Better When You Had No Heart. C'est un EP 3 titres. On retrouve Trash Day, She Likes Airbends et Christmas in April. On continuera ensuite avec Comme une blonde de Délinquante. C'est sur l'album Comme une blonde, sorti le 22 avril 2013. On retrouve Copine, Le Petit Robert, Phobie. Allez sur la page Facebook de Délinquante. Elles sont aussi sur YouTube et toutes les plateformes légales. Et on finira ce bloc en live avec Buried Alive de Avenged Sevenfold. C'est sur l'album Nightmare, leur 5e album, sorti le 20 septembre 2010. On retrouve Nightmare, Danger Line et God Hate Us. Du très bon sang. Your death is worse. room, so sad, so we're wrong. Did you love, you're a dead, yes, why not? Leave by, you can flip, this is you. Be you, see, I know you see it. So it's a little

quiche. T'es du genre pas fini sous tes bras. Ça sent les œufs pourris. T'as la main moite et molle. Des ratiches, ben t'en as plus. T'as été à l'école, mais tu t'en souviens plus. Quant à moi, je sais rester discrète au sujet que je suis loin d'être bête. Au concours du QI, j'ai gagné haut les dents, mais je cultive pas mon génie, ce serait trop fatigant. Moi, j'aime être conne comme une blonde, chiante comme une brune. Moi, j'aime être conne comme une blonde, chiante. Moi, j'aime être conne, conne, conne. Moi, j'aime être conne. Et puis surtout chiante aussi. Moi, j'aime être conne comme une blonde, chiante comme une brune. Moi, j'aime être conne. Moi, j'aime être conne comme une blonde. Moi, j'aime être. Yeah. reaching higher, could it survive the fall? Much has changed since the last time, and I feel a little less certain now. You know I jumped at the first sign, tell me only if it's real. Vous êtes toujours dans le 121e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient d'écouter Suicidal Mission de Bloodfist, Steel Meets Steel de Hammerfall, Chillax Airband de Butchwalker, Conne comme une blonde en live et on a fini ce bloc en live avec Buried Alive de Avenged Sevenfold. On continuera cette émission avec Délit de sale gueule, une nouveauté de Bob's Not Dead, c'est sur l'album J'y pense sorti le 1er septembre 2016. On retrouve à l'encre noire, au détour d'un troquet et sans artifice. C'est un excellent album. On les retrouve sur la page Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. Dans le même style, on continuera ensuite avec Satan et Clébar, le nouveau Dirty Old Matt. C'est sur l'album Vieux Frangin, sorti le 21 avril 2017. On retrouve Panne d'Inspiration, Marie-Jeanne et Je suis libre et je t'emmerde. Moi aussi. On le retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On continuera ensuite avec une autre nouveauté. Ouais, il y a pas mal de nouveautés là cette semaine. Avec Getting Through de Good Scrapper. C'est aussi le titre de cet album, sorti le 9 juin 2017. On retrouve Thankful, Cat on the Roof et Ride. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Blood and Tears, le nouveau Anso M. C'est sur le P5 titre Au cœur du système, sorti le 19 mars 2018. On retrouve Blood and Tears, la vie nous contredit, Time to Fight au cœur des systèmes, Screw You et Resist et 0 degré. Et on finira ce bloc en live avec un classique, Money Talks de AC/DC. C'est sur le live de double album sorti en 1992. On retrouve The Jack, Highway to Hell, Hell's Bells, enfin tous les classiques d'AC/DC. Un flic au bord de la route, au péage sur l'autoroute. Voit des boules et mon cantard, il se dit tiens v'là un sonar. Jean-Pierre on va se le faire, à tous les coups il est pas clair. Sa gueule et son Iveco, sur c'est un toxico. Bonjour monsieur gendarmerie nationale, veuillez me présenter les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire. Ok mon pote, nos problèmes, je te les fourgue dans une semaine. Bon allez, je déconne, t'enlèves là, je te les donne. Apparemment on n'a pas le même humour, je crois bien qu'il a pas compris. Moi j'aime le monde et l'amour, lui l'aime Ménard et Sarkozy. Daily daily de sa gueule, daily daily de sa gueule, daily daily de sa gueule, daily daily daily de sa gueule. On va fouiller le véhicule, ouvre ton camion de gitan, pas d'entourloupe ou jeton. Et je vous dis que je n'ai rien, ni défonce ni clandestin. Est-ce à cause de mes cheveux verts, vous me prenez pour un gangster? Daily daily de sa gueule, daily daily de sa gueule, daily daily de sa gueule, daily daily daily de sa gueule. De faire l'innocent et donne-nous ton cannabis, sinon je vais mettre mes gants, mes doigts deviendront ton supplice. Oh putain ça y est Jean-Pierre, je trouvais de la cocaïne dans le petit bocal en verre, mais nos pauvres cons c'est de la farine. Daily daily de sa gueule, daily daily de sa gueule, daily daily de sa gueule, daily daily daily de sa gueule. Comme ça, chaque fois que je viens pour vous faire un concert, fatigant, mais je me lasse pas de leur connerie légendaire. C'est pourquoi je ferai jamais trafic tant que j'aurai ma gueule de vautour. Parce qu'entre moi et les flics, c'est une très vieille histoire d'amour. Daily daily de sa gueule, daily daily de sa gueule, daily daily de sa gueule, daily daily daily de. Daily daily de sa gueule, daily daily de sa gueule, daily daily de sa gueule, daily daily daily de sa gueule. Trop trottoir. Je suis fâché avec les voisins depuis qu'il a bouffé le caniche. Ce pauvre crétin, il a dû le prendre pour un sandwich. Ce satané clébard, mon vieux compagnon de comptoir. Malgré toutes ces conneries, j'ai du mal à l'engueuler. Il est ma seule famille, le seul sur qui je peux compter. C'est vrai que sans lui, ma chienne de vie serait bien monotone. Le ciel un peu plus gris, moi je le considère comme une personne. Ce satané clébard, mon vieux compagnon de trottoir. Mon vieux compagnon de comptoir. Un galicien. Shut up.

Vous êtes toujours dans la 121e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Daily de Sale Gueule de le nouveau Bob's Not Dead, Satan et Clébar, le nouveau Dirty Old Matt, Getting Through, le nouveau Good Scrapper. On écoute ensuite Blood and Tears, le nouveau Ansoem, et on a fini ce bloc en live avec Money Talks d'ACDC. On continuera cette émission avec Jack the Ripper de Misfits sur l'album de Devil's Reign, sorti le 4 octobre 2011. On retrouve Vaidvid Red de Black Hole et Ghost of Frankenstein, entre autres, un excellent album. Donc ensuite, on aura l'interview de Access, Tribute to Accept, qui va nous parler un peu d'eux. On écoutera ensuite Check Your Head de Accept, c'est sur l'album Restless and Wild, leur quatrième album, sorti le 2 octobre 1982. On retrouve Fast as a Shark, Ehead de Pack et Demon's Night. On écoutera ensuite I'm a Lie, le nouveau Charlotte Gainsbourg, c'est sur l'album Rest, le 17 novembre 2017. On retrouve Ring a Ring a Rose, Sylvia Says et Lying with You. D'ailleurs, je le dis maintenant, je vais aller la voir au Printemps de Bourges là, le 26 avril prochain. Donc du coup, la semaine du 26 avril, eh ben, il n'y aura pas d'émission. Et voilà. On écoutera ensuite False Rasta de Johnny Clark, c'est sur l'album Jaja We Pray, sorti en 2009. On retrouve Play Girl, Give Me a Love et The Disgraceful Woman. Et on finira ce bloc en live avec Bastards on Parade de Dropkick Murphys. C'est sur l'album Blackout, sur leur quatrième album CD plus DVD, sorti le 10 juin 2003. On retrouve Walk Away, The Outcast et This Is Your Life. Du très très bon son. Bon, ben déjà, je suis super content de vous avoir, les petits access. Bon, j'ai entendu parler de vous par rapport à d'anciens projets comme Revenge et compagnie. Et ça me fait plaisir. Bon, que je sois net, je suis pas très fan des tributes à la base. Mais dans certains cas, on peut faire une expression. Une exception, du moins. Donc, présentez-vous un peu le lieu d'origine où vous êtes les uns et les autres. On va dire vieux. Gérard, bassiste, ex-bassiste de Revenge, donc. Oui. Région lyonnaise, voilà. Donc, après, tu veux savoir d'où. Non, comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Tes maîtresses. Non, ça m'intéresse pas. On a pas mal d'années dans Revenge et puis maintenant dans Access. Ouais. Et donc, du coup, les uns. Pareil, petit Joe, chanteur d'Access actuellement, ancien chanteur de Revenge, voilà. J'ai fait de temps en temps des trucs, quoi. Voilà, sur Lyon aussi. Francky, je suis la pièce rapportée, j'étais pas dans Revenge. Guitare, voilà, sans plus. Désolé. Ouais. Désolé. Ouais. Chris, c'est Revenge. Je cherche une bière. De Lyon. Ok. Donc, du coup, en quelle année le Access a été formé? Alors, Access, en fait, a été formé fin 2013, début 2014. Voilà. Et donc, bonjour. ouais, parce que si on a. Ah, peut-être que je t'ai dit une connerie, non. 2014, c'est qu'après. Le corona. J'aurais dit 2013, moi. Ben, janvier 2013, ouais, c'est ça. Et 2013, ouais, parce qu'après. Je suis rentré quelques temps après. Quelques temps après, ouais, 2014, c'est ça. 2014, ouais. Non, c'est ça, donc, c'est pas ça ce que j'ai dit. Alors. Et d'accord. Du coup, pourquoi avoir choisi un tribute à Accept, justement? Pourquoi avoir fait ce tribute? Bah, c'était surtout par rapport à la voix, la tessiture, ouais. Un petit peu, le grain. Alors bon, j'ai pas le grain du dos, mais ça se rapproche un petit peu. Et donc si tu veux, ça a décidé de... Comme c'était un petit peu l'ère du tribute, etc., on a réfléchi à ça, à ce qu'on pouvait faire. Comme moi, je peux pas faire... Hein? Ouais, pour continuer à faire de la musique. Ouais, pour continuer aussi à faire de la musique, etc. Et puis par rapport au grain de voix que j'avais, quoi, voilà, ça se rapprochait en fait, plus. En fait, c'est suite à l'arrêt de Revenge, ouais. Qu'on a abondi pour faire autre chose. Voilà. Et du coup, vous travaillez sur d'autres projets les uns les autres, vous avez d'autres groupes Maintenant, c'est pas le but de la manœuvre, on se fait plaisir. Et... Ouais. Après, bon, eux ils sont sur des cendres un petit peu qui se réveillent de temps en temps. Ouais, voilà, sur Revenge, ouais, voilà, ouais. Quand on a une opportunité. J'ai vu, là, il y a eu pas longtemps, vous avez fait un super beau plateau sur Lyon. Avec Alice Cooper. Avec Alice Cooper, notamment, voilà. Et justement, ça, c'est quand même une belle réussite parce que la première partie d'Alice Cooper, c'est pas donné à tout le monde quand même. Merci. Et puis, Alice Cooper. C'est Alice Cooper quand même. Alice Cooper, et donc du coup, les dates des prochains concerts, c'est où tout ça, vos prochains concerts? Alors le prochain concert, normalement, il a lieu le 22 juin au Gone Rock. C'est un bar rock'n'roll qui fait des concerts tous les vendredis soirs à Pierre Bénite. C'est place Jean Jaurès, c'est ça? À Lyon, ouais, à côté. Mmh. Mais bon, voilà. Non, c'est pour donner si les gens comme filmer. Oui, mais justement, c'est... Donc du coup, c'est sur la région lyonnaise. Voilà, content qu'on soit précis. Voilà, et ben... Le petit questionnaire il est fini, je vous souhaite un bon concert. Merci. Fais gaffe parce que Accept c'est un groupe que j'admire profondément. Ouais. Alors, et te mets la pression pour ce soir. Et donc du coup je risque d'être un peu moins tolérant. D'accord, et ça. Non, je déconne. Tolérant par rapport à quoi? Non, c'est non, justement, je dis ça en déconnant parce que t'as le bon grain de voix, t'as la voix pour. Et c'est vrai que c'est un de mes groupes fétiches. Et c'est vrai que quand on y touche un peu, ça me pique. Là on essaie de se rapprocher. C'est un peu pour ça qu'on fait Accept, les reprises d'Accept, c'est que quand on a arrêté Revenge, où c'est des compos et il y avait son grain de voix, une fois qu'on a fini ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec sa voix? Voilà. Il y avait Accept, Mathieu. Ou ACDC. ACDC, c'est... What Me Non repris par plein de groupes et c'est vrai que oui, justement, on l'a fait avec Joe. On l'a fait avec Francky, il y a longtemps. C'était un des premiers tributes à CDC. Un premier tribut à CDC au début des années 2000. Mmh. Ouais. On a fait ça pour une fête de la musique, c'est Francky qui a proposé le projet, on faisait rien dans nos groupes respectifs. Il l'a fait, on a mis, je sais pas, apprendre à tourner pas mal. Il a pas la tournée pas mal parce qu'il n'y avait pas de cover, en fait. T'es pas arrivé en France. Ouais, maintenant, c'était pas arrivé. Ouais. Et donc, par rapport à ça, on a fait ce concert-là, et c'est vrai qu'avec CDC, on a. On a eu plein de demandes, on ne s'attendait pas. On a vraiment fédéré, c'était vraiment étonnant. Ouais. Après, bon, c'est mort de sa belle mort parce que chacun avait ses projets, on a repris notre cours, mais bon. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que. Et de temps en temps, il y en a aussi. Voilà, mais c'est bien. Et justement, c'est vrai que je suis très fan de Revenge et d'avoir en face de moi des membres de ce groupe qui est pour moi mythique parce qu'ils ont vraiment marqué pour moi les années 80-90 pour moi, ouais. Et d'ailleurs c'est vrai que c'est dommage d'avoir si peu de sons retrouvables maintenant, mais bon, j'ai les infos et je vais récupérer le restant. Et je sais pas si j'ai pas m'amuser à en mettre sur la web radio, mais bon. Voilà, ben merci. Bon concert et foutez le feu, bordel de merde. On va le mettre. Okay, on va bien se passer. On est là pour ça. Merci. Merci. vaste doute, je bois mon embarras dans la cuvette des chiottes. Je consume le malaise au bord de la syncope. Incertitude cruelle, faiblesse intellectuelle, à jamais réservée. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Well, I've lost all the time. to prove that I know right from wrong. I swear I do things different, but can't promise to be strong. So come on, you losers, you bastards and chasers, and vagrants and barbed flies down on the street. All of this path to salvation, vindication awaits. We're marching on. This old face and try to see the young man. I swear I once was pretty and not the monster you now see. But I've squandered all my chances, lost my vanity for credit. This alive and precious one chance, the whirlwind I reap. If I could undo all the wrongs that I've caused, fall to my knees, pray for swiftness and just, or I'm just a fool of to dust, and the world ain't gonna change for me. So come on, you losers, you bastards and shanksters and vagrants and barflies down on the street. Now all of this path to salvation, vindication awaits. We're marching on. Merci, merci. Vous êtes toujours dans la 121e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Jack the Ripper de Misfits. On a eu après l'interview de Access, Tribute to Accept. On a eu ensuite Check Your Head de Accept. On a écouté ensuite I'm Alive, le nouveau Charlotte Gainsbourg. J'ai mis ensuite Fels Rasta de Johnny Clark et on a fini ce bloc en live avec Bastard on Parades de Dropkick Murphys. Comme c'est la spéciale collectif Off de Pierre, on aura la deuxième interview de la soirée, l'interview de Black Soil, qui nous parlera un peu de... Bon, ils sont issus de la scène locale du Puy-en-Velay, et c'était important pour moi de les voir. Ça fait 2 ans qu'on se court après, c'est quand même énorme. Donc on aura ensuite Madhouse de Black Soul, c'est sur leur premier EP, The Contract, sorti en 2017. On retrouve Madhouse, The Contract, Mr. K, Between Night and Day et License to Die. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et sur YouTube. On écoutera ensuite L'Autre Rive, le nouveau Spread Like, c'est sur l'album d'hier à aujourd'hui, sorti en février 2017. On retrouve Désolé, No Summer, Pas Bien Né. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On écoutera ensuite Bring Love, le nouveau Twixie Miller, Mila, featuring CY, c'est surtout CY. Ça vient de sortir sur SoundCloud. On les retrouve sur c'est les deux, Twixie Mila et CY. On les retrouve sur Facebook et YouTube et SoundCloud. On écoutera ensuite un grand classique, 10 000 soleils de Ludwig von 88, c'est sur l'album Tout pour le Trash, sorti en 1992. On retrouve In the Ghetto, Twist in Kuwait City et la trilogie Communiste, Casanis et Cannabis. Et justement, on a eu le troisième groupe de la soirée de samedi, donc du 7 avril, c'était No Class Tribute to Motorhead qui n'a pas voulu faire d'interview. Donc du coup, on aura directement Ace of Spades en live de Motorhead pour finir ce bloc. C'est sur l'album Clean Your Clock, c'est sur leur dernier album live sorti le 10 juin 2016. On retrouve Stay Clean, Lost Woman Love et Rock It. Alors les Black Soul, ça va? Tranquille, ça va. Ça va depuis le temps qu'on se court après, hein, comme exact. Je disais, ça fait un bon moment. Donc... On va se présenter un peu ben, vos noms et quel est l'instrument. Je sais que vous êtes qu'un trio, donc ça sera vite fait, mais voilà, présentez-vous et d'où venez-vous. Ça marche, ben, pour moi c'est Thomas Battier, je suis le batteur-chanteur de Black Soul, du Puy-en-Velay. Et ben de même, sauf que tu changes le nom, c'est Adrien Piedmont, l'instrument c'est la guitare, et voilà. Et moi je suis le bassiste, Michael Iglesias, aussi originaire du Puy. Donc du coup, quand groupe a-t-il été formé? C'est une bonne question. non, le groupe est relativement récent, ça fait quoi, 2 ans? 3 ans, je vous supporte. Donc, du coup, plutôt compo ou plutôt reprise? Ah, plutôt compo. Carrément, plutôt beaucoup, ouais. Beaucoup à fond pomme de terre, compo. Et donc, du coup, vous aviez sorti un petit EP il y a quelques temps de ça, The Contract. Ouais. Et il y a un album en préparation, quelque chose? Alors album pas tout de suite, parce que bon, l'EP nous avait demandé déjà pas mal de travail, qu'on l'a entièrement autoproduit. Ouais. Et bon, il a son petit succès sur internet, ça c'est cool. Et à côté de ça, bah, on faut qu'on tourne un peu, histoire de le promouvoir comme il faut. Puis un album, on verra quand on aura un peu plus de morceaux et plus de moyens, parce qu'on voudrait pas faire un truc... là, que ce soit pas juste de l'autoprod qui est vraiment un bon son derrière. Ouais, je comprends. C'est vraiment de taper dans les professionnels un gars qui nous ferait un bon son pour un bon gros projet. En fait. Ouais, mais c'est... On peut faire attendre un peu. Ouais, voilà, et puis quitte à mettre quelqu'un de côté, et puis comme on dit, faire des concerts. Et justement, bah, pour vous trouver, comment on fait sur Internet, c'est les pages pour vous joindre. Alors nous, principalement, on est surtout actifs sur Facebook. Mmh. On peut nous trouver sur facebook.com/ c'est Black Soil Music, la page. Mmh. Après, on a un site internet, blacksoilrock.com aussi, qui est moins actif, c'est plus le ouais. On peut nous retrouver pour un peu nos infos générales et des liens vers l'EP pour l'acheter et compagnie. Et quoi d'autre, on est aussi sur YouTube. Mmh. On tape Black Soil The Contract, on tombe sur l'EP en fait. Ouais, ok. Il y a Bandcamp aussi, non? On a un Bandcamp, ouais. Ouais, juste parce que il me semble que c'est là que je vous avais trouvé, ouais. Ben, sur Bandcamp. Et donc du coup, les projets, donc, hein, vous avez des autres groupes à côté ou c'est uniquement Black Soil? Notre projet principal du coup c'est Black Soil, mais avec le mec à ma droite là, ouais, Thomas, on a un petit autre projet qui est beaucoup plus calme, c'est un peu de la musique acoustique, on s'en sert plus pour faire un peu les terrasses des bars l'été, un truc tranquille, qui s'appelle Réminiscence. Ouais. Voilà, mais principalement on est sur Black Soil. Justement, il faut surtout se concentrer sur les projets principaux. Ouais, et donc du coup, prochain concert. Le prochain concert, on est en avril, le prochain concert c'est en mai, le 26 mai. Je crois que c'est le 26 mai à l'Antriac. À l'Antriac pour une concerte de bikers. Ouais. On a été contacté, ça va être bien cool. Après ça, on aura Laurent Zic, juin. Fête de musique, Laurent Zic. Laurent Zic d'abord. Laurent Zic d'abord, début juin, et la fête de la musique 21 juin au Black Pearl. Ah d'accord, ok. Ouais. Bah déjà ça fait un bon programme là, pour aller jusqu'à l'été, ça va être pas mal. Eh ben écoutez, moi je vous souhaite un bon concert. Donc du coup, vous cherchez des dates, donc n'hésitez pas, tout ce qui est producteur, association et compagnie, contactez Black Soil, ils sont sur Facebook, vous pouvez les retrouver aussi sur la page de l'émission. Donc moi je vous souhaite un bon concert et je vous dis à tout à l'heure. Eh ben merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. j'arrive dans le coin d'une vitrine. Un simple fait d'hiver, un simple coup. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll always keep things focused. Well, you don't know we're stepping out the players. See why I give the youth them details. Bring low, when metal ya bring low. Time to bring low, see why you just stepping on the blind. Bring low, yes it's just no time for this. Bring low, come home with the blessings for the faith. And bring low, I shall tell you straight. Time to bring low, see why you just stepping on the blind. Bring low, yes it's just no time for this. Bring low, all the blessings come home with the faith. And bring low. Rasta tell you straight. See why if you read that. Link the doctor T, we rolling tough about we said that. Mashing up the drum and bass, the classic and the regga. Picking up the block with the flicker to every setter. For come everybody, tell me how you feel. Link up, see why you need and don't know the deal. Pure inspiration of it come and reveal. We are coming on and we are come to keep it real. Time to bring loose. So bring low, yes it's just for time for this. Bring low, hold the blessings for the feet. And bring low, rush to tell you straight. Bring low, see why you're stepping on the bring low, yes it's just no time for this. Bring low, hold the blessings come home with the feet. And bring low, rush to tell you straight. Me tell you bring it not the there, yeah. Bring it not the nice. Bring it to the left, me tell you bring it to the right, yeah. Bring it for the band so they can come set the side. Tiny, we go hard and we a keep up the fight. Get it right, we are coming down to see the size. And every day we a put it up in our judge. The sky's the limit, and we not gonna come down to fight. We go hard and we a keep up the fight. Bring it loose, see why you stepping on it. Please bring loose. Blessings holy feet, bring low. Tell ya bring low. No time for days. Tell ya bring low. See why you're stepping on the base. Bring low. Hold the blessings, come hold the feet. Bring low. Yes, it's just no time for days. And bring low. Rasta tell ya straight. Tell ya bring low. Tell ya bring low. See why bring low. As they used to need you. Well, they ma start the war and we say we are gonna keep it on. Show you how see why it's gonna keep it on. Keep the machine up on top of this here rapping song. Cause you know each and every day we keep it strong. Start the war, yes, we say we are gonna keep it on. Me and see why come down just to keep it on. See why you step in now the place of bring low. Yes, it's just no time for games. Bring low. Blessings come home, we can bring low. Pastor tell you straight, time we bring low. Time we bring low. The youth need low. And this your world I need. See why if you're red that. Link the doctor till we roll it up from up with that. Mashing up the drum and bass, the classic and the regga. Picking up the block with the blinker to every setter. For coming everybody. Tell me how you feel. Link up, see why you need not done know the deal. Pure inspiration of it come and reveal. We are coming on and we are going to keep it real. You don't know. So them come to just bring it out the day. inside. You know I don't see why we have to come and keep it right now. The sky is the limit, we are pump it up tonight. See why you're stepping on the bus. From holy fervent. Come and tell you friend. Pastor tell you free. Tell you bring rules. See why you're stepping on the bus. And bring you, I tell you, bring you. Well, most definitely don't know, hey. Well, they know what I'm real. Cause they gotta use them need revelation time. Reveal it now, eat it, mash it up, you don't know. Just stepping on the blaze. Bring love. Yes, it's just no time for this. Bring love. Come home with the blessings from the faith. And bring love. Preach the tell you straight. Time for bring love. See why just stepping on the blaze. Bring love. Yes, it's just no time for this. So bring love. All the blessings come home with the faith. And bring love. Rasta tell you straight. Time to bring love. See why just stepping on the blaze. Bring love. 10 000 degrés sous la place de la paix. Je le sais. La température du soleil sous la place de la paix. Comment l'ignorer? L'herbe, c'est bien simple. Tu n'as rien vu, nous avions à nos fusils le sourire candide du monde. Réfractions innocentes sur les yeux des enfants. Nous avions pour fusil le regard indistinct de l'autre se dispersant sur une brise insouciante. Nous resterons flottants, sombre dans le vent brûlant, l'obéissant une raison de nos errants à venir, sachant le meilleur du souffle et la mort sur du feu, enclin à nous réduire, poussière dans un mur de braise. Dispersons notre amour au gré des vents, au gré des flammes, du sang dans leur bourse, de l'or dans leur femme, leurs femmes sont leurs cibles et leurs fils sont leurs flammes, du sang dans leur bourse, de l'or dans leur femme, 10 000 soleils brûlent au fond de nos âmes. Nous avions à le lettre un cri tremblant d'horreur quand l'étreinte impartiale du feu nous engloutit. Nous avions sur nos lèvres un murmure de douleur quand nous volions en pièces soufflés par sa rage aveugle, sachant l'identité au cœur froid comme l'ébène, planant là où sécurisait une lettre noire assassine, restant de la cité des lieux adorés au soleil. Les masques voient leur face comme les cagoules des bourreaux. De leur pour leur femme, prochain. Vous êtes toujours dans la 121e Vampire Freaks. Merci Lémi, c'était bien cool. Et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter l'interview de Black Soil. On a ensuite Madhouse, le nouveau Black Soil. On a écouté ensuite L'Autre Rive, le nouveau Spritelike. Allez sur la page Facebook de Spritelike. Ils sont sur Bandcamp, YouTube, sur Black Soil aussi. Ils cherchent des dates, ils ont besoin de vous. On a eu ensuite Bring Love, le nouveau Tixi et CY. Pareil, CY, c'est des amis. Allez sur leur page Facebook, c'est trop cool. 10 000 soleils, mon son culte de Loot du Gun 88. Et on a fini ce bloc en live avec Ace of Spades de Motorhead. On écoutera ensuite Fall For You, pardon, excusez-moi, le nouveau Badass Mother Fuzzer. C'est sur un EP de titres qui est sorti dernièrement. On retrouve Fall For You et Gonna Get You. L'album est en cours d'enregistrement. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et YouTube. On écoutera ensuite les écrans de Zoufri Maracas. C'est sur l'album Chaîne de Vie, sorti le 2 mars 2015. On retrouve Nanotechnologie, Et Si Demain et Nuit dans la ville. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Hunting a Shell and, of Flesh. C'est sur Lebowski, c'est sur leur premier EP, Liquidators. On retrouve Why Are We Falling Down, Hunting a Shell of Flesh, Liquidators et Narrow Mind. Allez sur la page Facebook de Lebowski avec deux i. Ils sont sur Bandcamp et YouTube. On écoutera ensuite un classique du reggae, One Love, par Winston McAnuff. C'est aussi le titre de cet album, sorti en 1995. On retrouve What a Man Saw, What a Man Think, en retrouvant Jalove et Praying for That Day. Et on finira ce bloc en live, avec du gros son. Firefly de Beton Todd, c'est sur l'album 1000 fois live, sorti le 24 novembre 2017. On retrouve Sean Z. Blout, Fright in the Kitten et Glockauf. Glockauf, ta ta ta ta. Yeah.

Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Schon lange eingeholt, Feuer frei. Manchmal nach Tagen, manchmal nach Jahren verspürt man ein Schimmern um sich herum. Der Blick ist vernebelt. Man sieht nichts mehr. Viel zu viel Nebel um uns herum. Viel zu viel Nebel. On vient de s'écouter Fall For You, le nouveau Badass Motherfather, les écrans de Zoufri Maracas, Hunting the Shell of Flesh de Lebowski. On a eu ensuite One Love de Winston McAnuff et on a fini ce bloc en live avec Firefly de Bethan Todd. Cette 121e Vampire Freak spécial collectif œuf de pierre touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens de continuer à faire passer les infos. On finira cette émission avec un classique du punk français. On a eu les Ludwig von 88. Je pouvais pas terminer l'émission sans mettre Manifesto en live des Berruriers Noirs. C'est sur l'album Olympia 89, donc où on retrouve tous les classiques des Berrues. Il a été réédité il y a pas longtemps en double CD. Et ça fait plaisir de réentendre certains titres qu'on n'avait pas trop entendus en live, comme « Salut à toi, oh mon frère !» À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu ! Manifesto ! Ce morceau est dédié aux Allemands de l'Est qui ont cassé le mur de Berlin. Cassons les murs. Alors maintenant, on vous attend à Fresnes pour casser les prisons. Pour tous les déserteurs de l'armée rouge. Pour tous les déserteurs de l'armée bleue. Pour tous les déserteurs de l'armée noire. J'ai la France, j'ai la patrie et j'ai les gens. J'ai un survivant, mes rouges soldats. Crois-le comme avant et suicide-toi. J'ai le pouvoir et j'ai les hommes. J'ai les lois et j'ai la force. J'ai survivant, les bleus soldats. Survivant et suicide-toi. J'ai l'armée et j'ai la guerre. J'ai les curés et j'ai la haine. J'ai les armes et j'ai les larmes. J'ai les jouets et j'ai les bombes. J'ai survivant, mes noirs soldats. Survivant et suicide-toi. Socialisme soviétique, cannabisme militariste.